Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Quand le ciel sera lézardé, et qu'il aura obéi à son Seigneur et accompli son devoir, quand la terre sera aplanie, qu'elle aura expulsé son contenu et s'en sera débarrassée, et qu'elle aura obéi à son Seigneur et accompli son devoir. Alors, ô toi, être humain, qui sans cesse t'évertue pour aller vers ton Seigneur, sache que tu le rencontreras. Celui qui aura reçu son livre en sa main droite sera jugé d'un jugement clément et s'en reviendra heureux auprès de sa famille. Quant à celui qui recevra son livre derrière son dos, il criera au malheur et brûlera dans le brasier. Il était heureux auprès de sa famille, s'imaginant que jamais il ne reviendrait à la vie pour être jugé. Eh bien si, son Seigneur, tout voyant, l'observait en permanence. J'en jure par le crépuscule, par la nuit et ce qu'elle englobe, par la lune quand elle est pleine, vous passerez sans cesse, étape par étape. Pourquoi donc ne croit-il pas? Et quand le Coran leur est lu, ne se prosterne-t-il pas? C'est que les mécréants le tiennent pour mensonge. Mais Allah sait le mieux les sentiments secrets qu'ils nourrissent. Annonce-leur donc un supplice très douloureux. À l'exception de ceux qui ont cru et ont accompli les bonnes œuvres, et qui auront alors une récompense illimitée.